Coucou. Bonjour. Bonsoir. Ah, que c'est bon de vous retrouver. Ah, que c'est bon de vous retrouver. Ah oui, oui. C'est un véritable bonheur. J'espère que vous partagez ce bonheur avec moi. Nous allons dans cette 754e émission. Allez, on va oser le mot. On va s'éclater. On va s'éclater avec des amis. Oui, Tendance. Connaissez Tendance. Hubert, Eric. Ils vont nous accompagner pendant une bonne partie de cette émission. Oui. Oui, parce que ce sont des amis. Et les amis, il faut les privilégier, il faut les choyer. Parce que les amis, on les compte quelquefois pas nombreux sur le doigt de la main. Sur les doigts de la main, d'une main, d'une main. Bon, allez, on a assez parlé. On démarre ? Merci d'être là. Merci d'être là. Et on va commencer tout de suite. Oh, c'est pas quelque chose d'étrange. C'est une banda española. On y va ? C'est parti. En criant minibar, olé, c'est la banda espagnole. Les cuivres d'or résonnent dans la tête. Aujourd'hui c'est carnaval, c'est le grand bal des étoiles. C'est la banda espagnole. Olé. Il y a des fleurs dans les rues et des filles en robe de couleur. C'est un jour où rien n'existe plus que la joie de chanter tous en cœur. On ne pense pas à demain, sous le soleil tout va bien. Rester en Espagne, hein. Oui, oui, on va rester un peu en Espagne et on va jouer avec Dolores. Dans la Sienna, j'entends sur la musique la jolie voix de la fille du Mexique. Tous ses amis

On va continuer une petite dédicace. C'est à l'ami Jean-Pierre, Jean-Pierre Laplace, qui habite à Chenancemines, bien sûr. Jean-Pierre, écoute, t'as des copains, hein, t'as des copains. Heureusement que tu as des copains. T'as Jeannot, d'Éloise, Jeannot, qui pense un peu à toi aussi. Et puis on pense tous un peu à toi. Et puis, allez, il faut garder le moral, gamin. Et quand il faut se battre, on se bat. Et je sais que toi, tu as la volonté de te battre. Donc, bats-toi, mon pote. Et tu verras que cet air-là, il va te ravigoter un peu. C'est Johnny Hallyday, quand un air vous possède. Allez, l'ami, on pense beaucoup à toi, Jean, et puis moi aussi, on pense beaucoup à toi. Je ne peux oublier ce air qui m'enchaîne. Il n'a jamais de fin. Il vient marteler toujours ma peine. Je sais, je n'y peux rien. Oh, quand un air vous possède, vous ne pouvez l'arrêter. Sert à rien de pleurer. Oh, quand un air vous possède, il faut chanter avec lui. Chanter à vos amours qui renaîtront un jour. Vous aimerez sa mélodie. Quand un air vous possède, vous ne pouvez l'arrêter. Quand un air vous poursuit, et le jour et la nuit, plus fort que lui, il faut chanter. Voilà, quand un air vous possède, t'as vu comme il est, Johnny, hein? Il appuie là où il faut, hein? Alors appuie aussi là où il faut, mon Jean-Pierre. Allez, courage à toi, mon pote. Thank you.

La noche, la noche bachata. La noche bachata. La noche bachata. La noche. Allez, on va finir, on va terminer cette première partie de l'émission avec une tarentelle et toujours et encore avec l'orchestre Tendance. Hubert Ledan, Eric Colomb. Allez, c'est parti! En Italie, c'est vrai que l'on ne connaît qu'elle. Elle est jolie, pleine de vie et de douceur. La belle Maria fait danser dans les ruelles. Elle fait tourner les têtes et chavirer les cœurs. Et ses longs cheveux bruns souvent nous ensorcellent. Quand elle s'agite devant nous, c'est le bonheur. Tout le monde ici l'appelle Maria Tarantelle. Aujourd'hui sur la plaza chantons tous en chœur. Maria Tarantelle, on ferait n'importe quoi pour tes beaux yeux. Maria Tarantelle, les garçons d'Italie veulent t'emmener chez eux. Maria Tarantelle, avec toi notre vie brille de mille feux. Chaque jour que Dieu nous donne est une fête qui ne s'arrêtera pas. Pour cette première partie de l'émission. Et on commence tout de suite la deuxième partie avec une dédicace un peu particulière. Et oui, figurez-vous que, voilà, il y a une dame, Madame Rosso, qui nous invite à boire un coup à la maison. Non, c'est une blague, c'est une blague. Madame Rosso, eh bien, vous avez de la chance parce que vous avez une très bonne copine qui pense à vous, voilà. Et je pense aussi que si elle pense à vous, c'est que, eh bien, elle aurait peut-être bien envie de venir boire un coup à la maison. C'est pour vous, Madame Rosso, de la part d'une de vos amies. On avait des crêpes au grand marnier. Les crêpes étaient bonnes mais trop salées. On s'est forcé, on a tout lu et on n'a rien mangé. Faut faire la cuisine sans être bourré. cette fois y'a pas de premier couplet. À se marrer et se mettre à chanter. Y'a pas de bar, y'a pas de bar, si y'a pas les copains. Allez, viens, un petit coup à la maison. Y'a du blanc, y'a du rouge, du saucisson. Et Gilou avec son petit accordéon. On a tout bu et on n'a rien mangé. On a tous fini complètement noir. C'était pas la fin de nos déboires. J'arrive pas avec une suite à cette histoire. Y'a pas de vin, y'a pas de pain, si y'a pas les copains. Elles ont viré plus fort que nous et on s'est fait virer. Coup à la maison, bon ben voilà, vous nous direz quand, hein, et puis on verra si notre emploi du temps nous le permet, ça sera avec plaisir que nous viendrons. Allez, on va, oh, alors là on va tomber dans les années 70, ça vous dit, ça vous parle, un petit medley de chansons, allez, de petites chansons bien gentilles, on va dire ça comme ça, ça vous dit, ça vous tente, allez c'est parti. On est tous de quelque part, d'un village ou d'un port, brin de soude, bleu de nord. Dans nos regards, mais je me sens de n'importe où, pourvu qu'il y ait tombé du ciel un peu d'éclair au rendez-vous de mon réveil. J'adore la nuit, mais mon pays, c'est le soleil. Écoute, oh, écoute. Je suis bien. Tous quelque part, chacun vers son hasard. Le mien se fut un soir, le bleu de ton regard. Cette musique qui battait

Ensemble pour écouter tout simplement ces entre guillemets vieilles chansons, vieilles mélodies qui nous rappellent bien quand même qu'on y était. Eh oui, et on y est toujours. En tout cas, pour un certain nombre d'entre nous. Pour les autres, c'est ainsi que va la vie. Rappelle-toi, il y avait une place vide dans nos cœurs ce soir-là. Nous cherchions l'un et l'autre sans doute le bonheur. Sous les étoiles qui ne semblait briller que pour nous, on a dansé tout simplement sur une mélodie. Notre histoire a commencé. Non, il revient toujours dans notre vie. Et pour toi ce soir, no more bolero. Oui, souviens-toi, c'était hier et le temps s'en va plus loin. Reste une mélodie et ces mots, je t'aime. No more bolero. Il revient toujours dans notre vie. Et pour toi ce soir, no more bolero. Ce soir, no more bolero. No more bolero. Allez,

qualcosa in me di strano e magico. E poi, da quando il tuo sorriso ha incantato gli occhi miei, io vivo solamente pensando a te. Petite pensée amicale de la part justement d'une amie pour Vanda. Io non pensi solo a te. passa mai un momento senza che io non pensi solo a te. Bellissima, ti amo tanto e non passa mai un momento senza che io non pensi solo a te. Le quart d'heure italien, 91, 102.5, Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous. Et puis tout simplement, rendez-vous avec vous. Ma quando vuoi l'amor da me lo cercherai. E allora vai, vai, vai, non ci pensare mai. Sei libera di andare, di tornare quando vuoi. E vai, vai, vai, l'amore è libertà. Non ci saranno catene per il nostro amor. Sempre lealtà, ma mi hai colpito al cuore con l'infedeltà. Forse colui che t'ama mi ha detto tu non sai, lei non ti vuole bene, non ti ha amato mai. E allora no, no, no, io non ci crederò, lei non può amare un altro, ama solo me. Ma no, no, no, lei non potrebbe mai tradire il nostro amore, lei non lo. Ma ora ci son dentro, ci son più che mai. Vorrei anche morire, ma no, non lo farò. Saprò dimenticare, ma io le dirò. Mia cara, vai, vai, vai, e non tornare mai. Per ogni uomo sette son le donne, sai. Ma vai, vai, vai, e non pensarmi mai. Se un giorno ritornassi non mi troverai. Vous êtes toujours là? C'est vrai? On peut continuer alors? C'est vrai? Eh ben, continuons. C'est parti. Perché non le C'est un peu nostalgique, hein. C'est un peu nostalgique, mais ça nous fait du bien de temps en temps. La nostalgie, c'est quelque chose qui nous fait un peu réfléchir, et puis elle nous rappelle tout simplement ce que nous avons été, ce que nous sommes, mais pas ce que nous serons, à moins que. Il mio ricordo in me è così vivo. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Non c'è parola più bella e più dolce nel mondo tu possa ascoltare. È una parola che nasce dal cuore, la voglia di vita sa dare. Come una mamma che stringe al suo petto un bambino con tanto calore, e come un padre che abbraccia suo figlio nel giorno in cui deve partire. È amore, è amore, amore, amore. È una parola grande come il sole, il volto di un bambino, un fiore in un giardino, e tutto questo nasce con amore. La notte scende nel cielo, la luna sorride a due giovani amanti. Stanno abbracciati nel viale, si vogliono bene, si vogliono amare. Una finestra e una luce lassù, se ti aspetta e non può riposare. Potrà soltanto dormire al ritorno del figlio quando l'alba riappare. È amore, è amore, amore, amore. Amore, amore, amore. È una parola grande come il sole, il volto di un bambino, un fiore in un giardino, e tutto questo nasce con amore. Ancora il mio amor, e un giorno quando avrò un bel nipotino, quel bel motivo io gli canterò. E poi quando anche lui avrà un amore, quella canzone canterà. Olì olè, olà, olì olè, olà, olì olè, olà, olì olà. Olì olè, olà, olì olè, olà, olì olè, olà, olì olà. Allez, c'est avec celle-ci que nous allons nous quitter. Oh, on se retrouvera. Ah oui, on se retrouvera sur le 91 et sur le 102.5 pour ces histoires qui nous intéressent et pour ces chansons que l'on aime. Et moi aussi, je vous aime et je vous embrasse. Et vous, les femmes. Ah, vous, les femmes, je vous embrasse. Partout, partout, partout, partout. À très bientôt. Festa grande sarà il paese, sapori antichi di tradizioni, campane al vento, vecchie canzoni, quanti ricordi di tanti anni fa. Poi si fa sera, si va in balena e fino all'alba con te ballerò. Ricordo ancora la tua promessa, un giorno amore io ti sposerò. Tutti gli anni si rinnova, da cent'anni fino ad oggi, il ritorno sulla piazza della gente, degli amici. Si raccontano vecchie storie e si brinda l'avvenire, mentre torna ad imbrunire il silenzio di ogni dì. Festa grande sarà il paese, sapori antichi di tradizioni, campane al vento, vecchie canzoni, quanti ricordi di tanti anni fa. Poi si fa sera, si va in bar.